les branches et sautille au guet, plein d'espoir sur les herbes de givre blanche, en bottes jaunes, en frac noir. Pourtant il vente, il pleut à verse, l'herbe jaunit, le Rhône bleu, et le salon tendu de Perse tient tous ses hôtes près du feu. C'est un merle chanteur crédule, ignorant du calendrier, qui rêve soleil et module l'hymne d'avril en février. Lustrant son aile qu'il essuie, l'oiseau persiste en sa chanson.